Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et comme chaque jour, juste après le flash de 14h, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On pourrait écrire l'histoire du monde à travers l'histoire des villes, de ce fascinant phénomène urbain auquel est dédié un atlas des villes, 5000 ans d'histoire en 200 cartes, un atlas que j'ai sous les yeux qui est édité par La Vie et le Monde et qui se trouve actuellement dans les kiosques. Cela vous a donné envie de nous parler de la ville mystérieuse. Oui, c'est ainsi qu'on appelait Tombouctou. Vous savez, il y a deux siècles, on parle beaucoup du Mali en ce moment. Hélas, je vous propose d'en parler autrement aujourd'hui, sur les pas d'un grand explorateur, René Caillé. Après quoi, avec mes invités, eh bien, nous évoquerons le destin d'un certain nombre de villes fameuses. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Michel qui souhaiterait connaître l'origine des notes de musique. Ah ben ça nous change. Mais avec joie, Michel, on répondra à la question. Pour le moment, cap sur Tombouctou et sur le fleuve Niger. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Notre histoire d'aujourd'hui commence sous l'Empire comme un récit d'aventure destiné aux enfants. Vous savez, les grands récits, il était une fois un petit garçon de 12 ans qui s'appelait René et qui venait de perdre sa pauvre mère. Oh, il y a quelque chose de misérabiliste dans cette histoire. Son père, qui avait autrefois été commis boulanger, était mort au bagne depuis 3 ans déjà. Le petit garçon était donc orphelin. Il vivait chez sa grand-mère à Mosée. On est en Onis, pas très loin de La Rochelle, si vous voulez situer. Il est malheureux, cet enfant, comme le sont souvent les orphelins. Alors il cherche à noyer son chagrin dans les livres d'aventure. Et du reste, à l'école, les petits copains l'appellent Robinson. Il en a lu et relu les aventures. Il connaît cette histoire de Robinson par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est qu'il est capable de réciter des pages entières de Defoe. À l'école, c'est ce qu'on appelait les petites écoles encore à l'époque, c'était pas les écoles obligatoires, enfin à l'école du village, il se passionne pour les quelques leçons de géographie que lui dispense le maître, et ce qui l'intéresse le plus, c'est l'Afrique. Cette Afrique dont on ne connaît encore pas grand chose à l'époque, on en connaît les côtes inhospitalières, dont les Portugais, les Anglais, les Hollandais et les Français ont essayé de faire la conquête, ils y ont installé pas mal de comptoirs. On n'ignore pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, c'était l'époque où l'on avait encore ces cartes blanches qui faisaient évidemment rêver tous ceux qui nourrissaient en eux un véritable ferment d'aventure. On peut dire que pour René Caillé, cette Afrique mystérieuse est une vérité, un véritable appel. Il lit beaucoup, je vous dis, il s'informe et il apprend que au sud du Sahara existerait une ville extraordinaire. On la sait entourée de 7 montagnes, baignées d'un fleuve qui charrierait de l'or par pépite. On appelle ce fleuve le Nil des Nègres, le Niger. C'est, dit-on, c'est ce qu'écrivent en tout cas les géographes de l'époque, la plus mythique, la plus magique, la plus fabuleuse des villes, mais aussi la plus mystérieuse, puisqu'aucun occidental n'en est jamais revenu, c'est Tombouctou. C'est intéressant que le lieu, cette espèce de Golconde, cette espèce d'Eldorado africain dont rêve René Caillé, soit précisément une ville. C'est vous dire à quel point ces villes, plus mystérieuses elles sont et bien entendu plus elles sont attirantes, mais c'est à quel point ces villes ont quelque chose de magnétique. C'est un phénomène humain. Et c'est un phénomène en l'occurrence mystérieux. Alors, aucun occidental, je vous dis, n'est jamais revenu de Tombouctou. On dit qu'un grand roi y réside dans un palais couvert d'or, d'ivoire et de pierres précieuses. On dit que les croyants y prient dans une gigantesque mosquée en pierre de taille. Évidemment, René s'abreuve de tous ces contes. Il rêve, il s'évade. Lui qu'on emmenait enfant apercevoir son père les chaînes aux pieds, il a besoin évidemment de rêves. Il ira, se dit-il, à Tombouctou. Il en fait le serment et, ce qui est assez fort dans ce genre d'aventure, dans ce genre d'histoire, c'est que les circonstances vont le servir. En 1815. On est après les 100 jours. Hein. Vous savez que en 1814, l'Empire est tombé. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, est remonté sur le trône. Et puis, Napoléon s'est enfui de l'île d'Elbe. Il est venu reprendre le pouvoir pendant 100 jours. Et après Waterloo, c'est la deuxième chute de l'Empire, si l'on peut dire. Et le retour des Bourbons, le retour de Louis XVIII. À ce moment-là, René a 16 ans. D'ailleurs, il voit passer Napoléon qui est parti pour l'île d'Elbe, pour l'île d'Aix. Vous savez, c'est de l'île d'Aix que Napoléon s'embarquera et qu'il finira à Sainte-Hélène. Il voit passer le cortège de l'empereur déchu. À ce moment-là, sa grand-mère est morte. Il est recueilli par un oncle et il va finir par avouer à cet oncle quel est son grand projet. Il sait qu'une expédition est en train de se monter à Rochefort pour aller reprendre le Sénégal. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est dans la réorganisation évidemment des anciennes possessions françaises à l'issue de la grande défaite de Waterloo. C'est le traité de Paris. Et le 27 avril 1816, eh bien, René Caillé, il a 16 ans et demi maintenant, il va quitter son bourg. Il a réussi à s'embarquer dans cette expédition, du Sénégal. Il s'est fait embaucher comme mousse dans l'escadrille en direction du Sénégal. Il est à bord de la flûte La Loire. Il y a dans cette expédition 5 frégates, dont une extrêmement célèbre, puisque c'est le plus célèbre des naufrages du 19e siècle, c'est la frégate La Méduse, vous savez, qui va subir mauvaise fortune sur les bancs d'Arguin, qui va se retrouver naufragée. Et vous savez ce qu'il adviendra des survivants, en tout cas d'une partie des survivants de cette frégate La Méduse, qui vont monter sur le radeau où ils s'entre-dévoreront, etc. Mais il fait partie de cette expédition-là, René Caillé, et il arrive, il n'est pas sur la frégate qui fait naufrage, il arrive à Saint-Louis, donc au Sénégal, le 10 juillet. Et au Sénégal, il apprend qu'une expédition est organisée par 2 Anglais pour s'enfoncer vers le centre de ce continent, vers le centre de l'Afrique. Elle part de Kakondi sur le Rio Nunez. On est donc un peu plus loin, à 300 km de là, avec pour but d'aller rechercher le fameux Mungo Park. Vous savez, cet explorateur écossais, personnage lui aussi flamboyant, extraordinaire, et qui à l'époque avait déjà disparu depuis 10 ans. Un personnage incroyable, Mungo Park, une sorte de pic de la Mirandole du 19e siècle, d'une culture incroyable, totalement déraisonnable, entreprenant hors de mesure, jeune, robuste. Il avait réussi à atteindre le Niger en partant de la Gambie, et après 13 mois pour le moins difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait fini dépouillé, molesté, réduit en esclavage et abandonné. Et nombreux, à l'époque, nombreux sont les aventuriers d'Afrique qui vont comme ça y laisser leur peau. On cherche Mungo Park, on part à sa recherche, et ce qui est extraordinaire, c'est que René Caillé fait partie de l'expédition. Jean Sibelius sur Europe 1, un extrait de Tapiola. Et on revient à René Caillé, notre explorateur français. Du nord au sud, en quelque sorte, et des brumes finlandaises au soleil écrasant de l'Afrique. Il faut vous dire que René Caillé n'a pas réussi à rejoindre la fameuse expédition anglaise. Il était bien parti pourtant, il était plein de bonne volonté, mais il a fini complètement épuisé, les pieds en sang. Il s'est écroulé littéralement. Il a été recueilli à Dakar par des marins français, dont un officier qui lui a expliqué qu'il était impossible qu'il arrive jamais en Gambie, qu'il valait mieux pour lui renoncer. Alors, et afin de reprendre des forces, il s'embarque dans une expédition pour les Antilles, où il va faire preuve d'ailleurs de toutes sortes de qualités. On le dépose à la Guadeloupe, mais lui ne songe qu'à l'Afrique. C'est son horizon. Il a envie d'aller découvrir cette ville de Tombouctou qui continue de l'attirer au-delà de tout. Alors il repart pour la France, où il retrouve sa sœur Céleste. Il lui emprunte toutes ses économies, 300 francs de l'époque, ce qui n'est pas tout à fait nul, et le voilà reparti parti pour le Sénégal, c'est sa deuxième expédition. Et là, il apprend que l'expédition anglaise de Gray se trouve coincée, est en panne, si je puis dire, dans le Bondou. Elle est l'otage d'un roi local qui exige une rançon pour le laisser passer. Gray a envoyé un de ses accompagnateurs faire des provisions. Et après toutes sortes de négociations, il accepte que Caillé se joigne à l'expédition. Ils vont donc ensemble pénétrer dans l'intérieur du continent africain. C'est une expédition très compliquée, hein, dans le désert. Je vous passe toutes les souffrances, évidemment. Caillé n'est pas très costaud, il faut bien le dire. On le voit dépérir à vue d'œil. Alors, au moment où on arrive près de Gray, le fameux roi qui détenait tout le monde sous sa férule revient sur sa parole et malgré tous les cadeaux qui avaient été promis, il n'autorise pas les explorateurs à reprendre la route. Ils vont donc être obligés de faire demi-tour et ça tourne à la déroute, cette histoire. Gray est fait prisonnier, l'accompagnateur de Caillé, il s'appelle Partarieux, emmène tout le monde jusqu'au sud du Sénégal. Caillé arrive complètement, mais au bord de la mort. Il est fiévreux, à bout de force. Il sera hospitalisé à Saint-Louis. Il va travailler là comme cuisinier et le voilà de retour en France, à Lorient cette fois. Alors il va voyager un peu entre Bordeaux et les Antilles pendant 4 ans. C'était l'époque du grand négoce de vin, vous savez. Et il a néanmoins toujours à l'esprit cette volonté d'aller découvrir Tombouctou. Eh bien, il va repartir pour l'Afrique une troisième fois. Il revient en 1824 au Sénégal avec toujours cet objectif obsessionnel de réaliser son rêve de jeunesse. Le gouverneur de Sénégal à l'époque, le baron Roger, essaie de le dissuader, mais il n'y arrive pas. Caillé puise sa force dans ses rêves, en quelque sorte, et il sait qu'il va y arriver, mais la seule condition pour qu'il accède à ses rêves et pour qu'il aille au bout de son expédition, c'est de partir seul. Et alors, il va monter tout un plan. Il va se faire passer pour un maure, comme on disait, hein, pour un habitant, pour un autochtone. Il va s'agréger à une caravane, il apprend les coutumes, les rudiments de la langue arabe, il apprend à déchiffrer le Coran. Il va se présenter comme le fils d'un riche négociant français qui aurait été capturé en quelque sorte et qui s'est enthousiasmé pour le Coran. Et d'ailleurs, il veut se convertir. Vous voyez qu'il va très loin. C'est un jeu risqué, mais il a cette obsession. J'y arriverai, dit-il. Je vivrai et je reviendrai. En août 1824, il part de Saint-Louis pour le pays des Braknas. Alors, il faut l'imaginer habillé de bleu, hein, un peu à la manière Touareg, avec le petit bonnet rouge bordé de blanc, comme sont les autochtones. La seule chose qui le distingue des autres, d'ailleurs, c'est la couleur de sa peau, finalement. Et il arrive le 10 septembre. Il réussit à convaincre le roi des Braknas, qui s'appelle Ahmed Dou. Maintenant, d'ailleurs, lui-même a changé de nom. Il n'est plus René Caillé. Il s'appelle Abdal Ali, c'est-à-dire l'esclave de Dieu. Et c'est en avril 1825 qu'il va finalement arriver à ses fins. Au moment où il arrive au but, où il touche au but, on peut dire qu'il a complètement changé. Hein. Il faut imaginer un corps qui est devenu très hâlé, très musclé. Il est devenu lui-même très très maigre. Il a une grande barbe noire maintenant. Bref, il s'est fondu en quelque sorte dans la population locale. Alors, il va retourner chez le baron Roger qui lui avait promis de l'aide matérielle. Il a été remplacé. Le nouveau gouverneur s'appelle le baron Hugon. Et il ne veut pas du tout aider René Caillé. Alors, eh bien, pour réunir les fonds, René va travailler comme surveillant sur un chantier. Il attend le baron Roger qui, quand il rentre de métropole, lui explique qu'il n'a plus du tout de moyens à sa disposition, qu'il ne peut pas lui donner la moindre subvention. Alors, eh bien, René Caillé va travailler à Sierra Leone pour, c'est la grande époque des fabriques d'indigo, bien entendu, et le peu qu'il gagne, il l'économise, il a un salaire annuel de 3600 francs tout de même, qui lui permet de mettre comme ça un peu d'argent de côté, toujours dans la perspective d'aller au bout de son expédition. Finalement, il se présente au gouverneur anglais, en espérant que Sierra Leone, les Anglais vont l'aider, mais les Anglais ne l'aident pas davantage que les Français. Sa sœur lui envoie une lettre. C'est une coupure de journal qui annonce que la Société Géographique offrirait 10 000 francs à tout voyageur qui parviendra à revenir de Tombouctou porteur d'informations. Ah ben ça, c'est le petit coup de pouce qui manquait. Caillé décide de partir avec ses 2000 francs d'économie. Il va de nouveau se joindre à une caravane qui fait le commerce du cuir, du sel, de la gomme. Et le voilà qui, de nouveau, d'abord suit la côte et puis entre vers le centre du pays. Il sait que c'est risqué. Il veut passer pour un indigène, et si on découvre la vérité, il sait qu'il risque de finir de manière atroce. Alors il s'invente toute une histoire, il dit qu'il est né à Alexandrie de parents arabes, qu'il a été emmené en France par des Français de Bonaparte, vous savez, et puis que son maître, qui était un commerçant, l'a affranchi au Sénégal, qu'il est de nouveau libre, qu'il voudrait regagner son pays, l'Égypte, etc. Tout ça pour se faire passer pour un bon musulman, tout ça pour être accepté de la caravane et aller toujours un petit peu plus loin en direction de Tombouctou. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, avec notre explorateur René Caillé, direction Tombouctou. Alors, je vous passe évidemment toutes les souffrances. René Caillé, il a 26 ans maintenant. Il est reparti le 19 avril 1827 de Saint-Louis. C'était son cinquième séjour à Saint-Louis, toujours avec cette idée de s'aventurer dans les terres vers Tombouctou. Je vous passe les difficultés innombrables, la famine. Il ne se nourrit que de riz, hein, de riz à l'eau. Le scorbut, qui est généralement le compagnon des gens mal nourris, la difficulté pour se repérer avec des instruments de mesure extrêmement rudimentaires, mais néanmoins, après 20 jours de navigation sur le Niger, le voilà à Kabara, la capitale soudanaise, et le 20 avril 1828, il faut vous dire qu'un shérif local, un chef de village local, lui a confié une mission commerciale à Tombouctou et lui a donné pour ça une pirogue avec des marins. Eh bien, le 20 avril 1828, il franchit les portes de Tombouctou. Ah, il est bien malade. Il a le visage ravagé par le scorbut, les paupières rongées par le vent de sable, les yeux brûlés par le soleil. Il est à bout de force, mais il est heureux. Vous imaginez ce que ça représente pour lui. Il a découvert la ville de ses rêves, la ville dont il a tant rêvé enfant. En entrant dans cette cité tellement mystérieuse, écrit-il, je fus saisi d'un sentiment inexprimable de satisfaction. Je n'avais jamais éprouvé une sensation pareille et ma joie était extrême, mais il fallait en comprimer les élans. Il écrira tout ça plus tard dans son fameux journal d'un voyage à Tombouctou, grâce auquel moi je peux vous raconter tout ça, et qui a été un ouvrage très connu, très, très célèbre à cette époque sous la Restauration. Il est quand même, disons-le, assez déçu, René Caillé, parce qu'il avait imaginé une sorte de cité d'or extraordinaire, je vous dis, qui était la cité de richesse et de gloire, et finalement, voilà ce qu'il découvre, je le cite. « Je trouvais que le spectacle que j'avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente. Je m'étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville une toute autre idée. Elle n'offre au premier aspect qu'un amas de maisons en terre, bien mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, d'un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. » Disons-le, il est déçu, René Caillé. Tombouctou n'est finalement qu'une ville africaine. Entre son fleuve et son désert, il n'y a pas du tout trace des richesses qu'il espérait y trouver. Alors, il essaie néanmoins d'accumuler sur la ville en question le plus d'informations possible. Il n'a pas oublié le concours de la Société de Géographie. Il accumule les notes, il monte au sommet de la tour de la Grande Mosquée pour mieux observer la ville et dessine tout ce qu'il voit. Caillé admire notamment ses maisons anciennes aux fenêtres finement travaillées, toutes les portes embellies de clous, toutes ces architectures qui sont hérissées de bout de poutre, vous savez, c'est le type même de l'habitat de cette région de Tombouctou. Il dessine tout ça, bien entendu, ça va faire des dessins qui seront ensuite publiés. Mais disons-le, il ne s'attardera pas à Tombouctou. La déception est sans doute trop grande et l'envie de profiter de sa réussite également. Il sera resté en tout 14 jours seulement à Tombouctou, après quoi ce sera le retour vers la France, vous savez. Alors, il décide de ne pas du tout reprendre le chemin du départ. Là, cette fois, il taille au plus court, si je puis dire. Il remonte vers le nord, vers le Maroc. Alors, d'abord, il s'agrège à une caravane d'esclaves avec 800 chameaux qui remontent vers le Maroc. Il prend la route le 4 mai de cette année, hein, 27. Et puis, alors, il faut imaginer là encore toutes les difficultés, les marches de nuit pour pour moins souffrir de la chaleur, etc. Il est à bout, René Caillé. Cela fait 14 mois qu'il marche, qu'il souffre. Il ne supporte plus la chaleur, la faim, la soif et les interrogatoires permanents parce qu'évidemment, ses compagnons de route veulent en savoir davantage sur lui et il est constamment en grand danger. Finalement, il arrivera à Fès le 12 août 1828. Le 15, il est à Meknès. Le 19, à Rabat. Et le 7 septembre, le voilà à Tanger. Alors, il va bénéficier du soutien d'un consul local, de la Porte, qui les larmes aux yeux le félicite de son succès, puisqu'il est le premier occidental à revenir de Tombouctou. Et là, il lui propose de l'aide. Mais en fait, ce que veut Caillé dans un premier temps, c'est manger, tout simplement. Manger à sa faim. La chance de Caillé, ce sera que de la Porte soit lui-même membre de la Société de Géographie. Alors, il va faire venir une goélette. Caillé, déguisé en marin, monte à bord, direction Toulon, où il débarquera en octobre. De la Porte écrit au vice-président de la Société de Géographie, Monsieur Jomard, pour annoncer la nouvelle et la société envoie tout de suite 500 francs à Toulon pour permettre à Caillé de regagner Paris dans de bonnes conditions. Dès son arrivée dans la capitale, Caillé se rend chez le fameux Jomard qui l'assaille de questions. « Mais alors, vous rentrez de Tombouctou, mais comment est-ce? Quelle est cette ville? Racontez-nous !» La curiosité est intense à cette époque et... En réponse, Caillé lui tend simplement ses feuillets de notes. Il ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. Le 5 décembre suivant, le 5 décembre 1828, la Société de Géographie le reçoit, mais alors avec tous les honneurs, ce sera pour lui un véritable triomphe. Et l'on peut imaginer l'attitude assez ambivalente finalement de René Caillé face à ce triomphe qu'il a mérité par la somme d'efforts consentis au cours d'années et d'années de travail et de risques pris. Et en même temps, la déception foncière. Le rêve, ce qui l'avait animé, ce qui l'avait attiré dans le cœur de l'Afrique, n'en valait peut-être pas la peine. Comment expliquer ça à des géographes qui, eux, sont passionnés par tout ce qu'on leur raconte, sont en train déjà de faire des thèses sur l'habitat de Tombouctou et se disent que c'est une ville de plus qui est entrée dans l'escarcelle des géographes. Bonjour Jean-Pierre Denis et Augustin Berck, merci de nous avoir rejoints. Alors je viens de parler de Tombouctou, on va revenir sur Tombouctou pendant quelques instants et puis surtout nous allons revenir sur les origines de ce phénomène urbain. Depuis quand y a-t-il des villes? À quoi ressemblent-elles? Pourquoi se sont-elles plus développées dans certaines régions du globe que dans d'autres? Autant de questions que je vais vous poser dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi avec comme thème quelques villes de légende. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, créateur de la collection d'Atlas La Vie, Le Monde, dont le dernier, l'Atlas des villes, 200 cartes, 5000 ans d'histoire, est en kiosque actuellement, et Augustin Berck, géographe, orientaliste et philosophe, directeur d'études retraité de l'École des hautes études en sciences sociales, membre de l'Académie européenne. Alors messieurs, je feuillette cette belle livraison, cet atlas. Parce que c'est un atlas, il y a un grand nombre de cartes, 200 cartes qui nous montrent toutes les villes du monde. Et je tombe sur Tombouctou, évidemment. Tombouctou, nous dit Mamadou Diouf, qui est l'auteur de cet article, est aujourd'hui une petite bourgade sans charme, énigmatique, fabuleuse, opulente et lettrée. Elle a pourtant occupé une place de choix dans l'imagination des Arabes, des Africains et des Européens. Elle signale la présence active des Africains dans le monde musulman. On a l'impression qu'il y a constamment ce décalage entre la ville rêvée et la ville vécue, entre l'imaginaire et le réel, d'une certaine façon, Jean-Pierre Denis. Mais j'y pensais tout à l'heure en vous entendant évoquer la déception de René Caillé. Mais évidemment, il manquait d'informations. Tombouctou, c'est une ville qui n'a jamais réuni plus de 50 000 habitants. Ça, c'est au XVIe siècle, et à l'époque de sa plus grande extension. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il arrive beaucoup trop tard. C'est une ville qui a compté surtout au XVe ou au XVIe siècle. Et puis vous évoquiez son voyage et la fameuse Méduse, mais justement, le commerce ne passe plus par la caravane, il passe par la caravelle en quelque sorte. Donc il passe par la mer. C'est devenu par le commerce maritime et par les côtes en fait. Même si aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de trafic qui passe par cette région. Alors, on parle beaucoup du Mali en ce moment, bien entendu. On imagine les dégâts, d'ailleurs, que tous les conflits peuvent causer au patrimoine local, notamment, parce qu'on parle toujours des populations, évidemment, mais le patrimoine souffre aussi. En l'occurrence, Tombouctou est un coin fiché par l'Afrique dans le monde musulman. Et dans le cœur des Occidentaux aussi, à travers cet imaginaire. Ben, c'est un coin, en tout cas, c'est une source, puisque ce que l'on a déploré, effectivement, au moment où les islamistes mettaient cette ville en coupe réglée, c'était la destruction d'un patrimoine musulman, patrimoine architectural et patrimoine aussi textuel, hein, avec des bibliothèques et des documents extrêmement intéressants. Alors, c'est passionnant, d'avoir fait l'histoire de toutes ces villes. Est-ce qu'on peut dire, Augustin Berck, que finalement, les villes sont un moyen d'aborder l'histoire ? Est-ce qu'on pourrait faire une histoire de l'humanité à travers l'histoire des cités grandes et petites ? D'abord, littéralement, les villes sont apparues avant que n'apparaisse l'écriture, mais l'écriture est apparue dans les villes. Donc, histoire et ville, ça va de pair, en quelque sorte. Ça va de pair, oui. Il y a en quelque sorte un lien entre les deux phénomènes. À quel moment est-ce qu'on voit apparaître les toutes premières villes ? Ça dépend un peu de la définition qu'on donne de ville, mais suivant les auteurs, c'est pas toujours la même chose. Mais on s'accorde quand même à voir la première ville dans Jéricho, qui serait vers moins 6000 déjà une ville, avec une enceinte et puis des maisons en briques à l'intérieur de l'enceinte. C'est-à-dire pas seulement un regroupement d'habitats, mais un regroupement structuré avec une économie propre, d'une certaine façon ? Tout à fait. Avec les fonctions d'une ville, grosso modo, les principales, ce serait un centre administratif, un centre de pouvoir, mais aussi un centre culturel, et puis un centre de production artisanale, c'est-à-dire qui ne se réduit pas à l'activité agricole. C'est les trois principales. Mais oui. Et ce qui va avec, c'est le commerce, bien entendu. Parce qu'il faut les approvisionner, ces fameuses villes. C'est-à-dire ça nous ramène évidemment à toute l'histoire, ça, du Moyen-Orient, de la Mésopotamie. Il faut organiser les sociétés humaines pour obtenir ces énormes regroupements. Hein. Ça suppose peut-être une hiérarchie sociale, ça suppose une entente. Tout à fait. Ça suppose d'abord la rencontre des gens. La rencontre. D'ailleurs, le fait que les plus anciennes villes soient apparues dans cette région du monde, c'est aussi lié au fait que c'est une région de passage entre un bout de l'Asie et l'autre, qui est l'Europe, et puis aussi ce qui est venu de l'Afrique. Et ça se rencontre par là. Donc, c'est aussi les premières civilisations et qui deviendront les premières villes. Et l'activité commerciale, bien entendu, qui va avec les échanges d'idées et qui vont produire, bien, entre autres, des religions nouvelles. Alors j'ai évidemment à l'esprit Ur, Uruk, enfin toutes ces cités extraordinaires de la Mésopotamie qui ont fait l'objet de certaines fouilles, pas toutes d'ailleurs. On se rend compte que ce phénomène urbain naît quand même dans un endroit très précis de la planète. À cette époque-là, donc, on est donc au 4e millénaire à peu près, c'est bien dans cette région de la Mésopotamie que se rencontrent les premiers foyers urbains. Oui, alors c'est aussi la région proche de celle où est apparue l'agriculture. Et voilà. Il y a... Donc la sédentarisation et la ville vont de pair, là encore, probablement. Ça en découle. Ça en découle. Ça... Alors, quand la circulation par mer, notamment, se sera développée, vous pourrez avoir des villes dans des endroits où il n'y avait guère d'agriculture ou pas d'agriculture du tout. Alors c'est plus tard, ça. C'est un paradoxe, Jean-Pierre Denis, parce que ces villes, par essence, sont statiques, elles sont à un endroit donné, mais vous nous montrez d'une part qu'elles respirent, on les voit se développer et parfois décroître avec vos cartes, hein, qui montrent les différentes étapes de chacune de ces villes, et puis on se rend compte que ces villes, elles communiquent et correspondent les unes avec les autres. Il y a de véritables flux, en vérité. Vous avez raison, à l'instant, je regardais la planisphère que nous publions au début de cet atlas sur l'urbanisation du monde. Et s'il y a une chose qui est extrêmement frappante, c'est que beaucoup des villes, y compris de celles que l'on évoquait à l'instant, beaucoup des villes qui ont marqué l'histoire de l'humanité n'existent plus. Et surtout, les mégapoles actuelles, bien, la plupart d'entre elles, c'était des villes qui n'existaient pas en tant que mégapole, hein, je veux dire parmi les principales villes de l'humanité, ne serait-ce pas que, les plus anciennes, ne serait-ce tout, qu'au Moyen Âge, hein, et certaines des villes qui ont été les plus importantes il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité sont devenues ou sont en train de devenir des villes secondaires. Alors je pourrais évoquer des villes du 19e siècle, hein, du 20e siècle, Chicago, Berlin, aujourd'hui sont pas des villes qui comptent parmi les mégapoles. Donc les villes les plus importantes de l'humanité se déplacent. Peut-être qu'il faudrait prendre pour exception Mexico, ville dont les origines sont aztèques. Mais c'est une ville qui a été complètement détruite par les Espagnols, justement, et reconstruite. Donc, d'une certaine façon, c'est une autre ville. Et puis, effectivement, les villes se déplacent dans l'espace. Alors ça, c'est quelque chose qui... Ce qui est fascinant, ce sont les villes qui restent quand même au même endroit. Hein. Quand on va à Rome, évidemment, c'est un effet tout à fait saisissant de contraction des siècles. Quand on va à Byblos, au Liban, enfin, il y a comme ça des endroits où l'on a des strates archéologiques multiples et où les villes demeurent. Quand oui, même, hein, ça, c'est vrai, effectivement, c'est le cas. Mais ce sont de des Rome. Exceptions. On retrace ces couches successives depuis l'époque où Rome était une des principales villes du monde. Mais justement, l'influence de Rome aujourd'hui dans la planète mondialisée est une influence qui n'existe, qui est une influence à l'échelle nationale, assez secondaire par rapport aux nouvelles villes qui sont aujourd'hui les villes importantes, les villes asiatiques, les villes du sud de l'Amérique. Alors, dans le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on évoque un certain nombre de grandes villes qui sont évidemment les clous, si je puis dire, de votre atlas. Babylone, bien entendu, et Londres, et même Tokyo, cas tout à fait passionnant et que vous connaissez particulièrement bien, Augustin Berg, Tokyo. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Écoutez Peter Grimes sur Europe 1, un extrait d'Interlude de la mer au clair de lune. Et nous parlons dans Cœur de l'Histoire cet après-midi de quelques villes de légende. Avec vous, Franck Ferrand et vos invités, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, créateur de la collection d'Atlas La Vie, Le Monde, dont le dernier, l'Atlas des villes, est en kiosque actuellement. Et puis Augustin Berck, géographe, orientaliste et philosophe, membre de l'Académie européenne. Oui, avec une jolie couverture, cet Atlas des villes qui nous montre on voit à la fois Venise et Singapour, hein, les métropoles d'hier et d'aujourd'hui. Et vous avez présenté des cartes qui sont des cartes dynamiques où l'on voit respirer les villes à travers les siècles, Jean-Pierre Denis. Oui, un petit commentaire sur cette couverture et en fait à travers elle, sur l'esprit de la collection, on remonte très longtemps, très loin en arrière, hein, pour les villes 5000 ans en arrière. Oui. Et c'est l'esprit de ces atlas, c'est-à-dire d'arriver à comprendre le monde contemporain, la géopolitique d'aujourd'hui, on l'a évoqué à propos de Tombouctou et des difficultés du Mali, en revenant aux sources de l'histoire et aussi, il faut bien le dire, aux sources de notre imaginaire, hein, ce fameux imaginaire qui avait mis en mouvement les explorateurs. Donc c'est ça l'esprit de cette collection. Et puis ces villes, effectivement, on les voit qui se déplacent. Peut-être qu'on aura l'occasion de dire un petit mot d'une ville comme Londres. Oui, elle se déplace aussi dans un pays. Hein. Le Pékin n'a pas toujours été la capitale de la Chine. Et on a évoqué les villes qui disparaissent, dont l'influence disparaît. On essaie de montrer cette géographie dans son mouvement. Et les villes, finalement, sont des organismes vivants. C'est pour ça que tout à l'heure, on évoquait les flux urbains, des villes comme Venise, Amsterdam. Amsterdam, à la grande époque d'Amsterdam, c'est pas seulement la ville d'Amsterdam, c'est la Compagnie des Indes orientales. C'est-à-dire, finalement, tous les la mondialisation. Tous ces prolongements, bien sûr. Hein. Venise, ce n'est pas seulement Venise, la place Saint-Marc et ça, ce sont canaux. Des villes républiques, en quelque sorte. Oui, mais ce sont des villes qui sont des villes de la mondialisation. Mmh. Alors, à l'époque, à l'échelle de l'époque, hein, mais Venise va jusqu'en mer Noire. l'histoire, Venise va jusqu'au commerce avec Londres et avec... J'évoquais Byzance, on est dans le même rapport, etc. Il y a des, on parlait aussi tout à l'heure de villes qui sont le fruit de plusieurs civilisations. On pense à Jérusalem, hein, bien entendu, ville tout à fait magnétique, incroyable. Et je pense que ce n'est pas un hasard si toutes ces villes font intensément rêver, c'est qu'elles sont une sorte de... Elles sont le fruit des civilisations qui les ont vues naître et elles sont les vestiges les plus vivants qu'ont laissé ces civilisations par rapport à des palais, par rapport à des lieux de culte ou autres sites, bien entendu. Oui, elles sont aussi je dirais le reflet de la civilisation qui les a portées, d'abord des villes, certaines villes sont créées ex nihilo, des villes sont d'abord des projets, hein, quand on regarde le plan de Pékin, c'est une ville qui a été conçue dans l'abstrait, quand on regarde le plan de, par exemple, Lagos, aujourd'hui, c'est une ville qui part dans tous les sens, qui part de rien, j'allais dire, et qui se multiplie, qui se démultiplie. Donc il y a la croissance urbaine, elle obéit à des logiques très très différentes, soit très ordonnées à partir d'un plan, d'une symbolique, d'un imaginaire, soit dans une forme d'urgence et d'anarchie. Alors ce phénomène urbain, vous l'avez étudié de très près, Augustin Berg, vous avez notamment signé toutes les introductions des différents chapitres de cet atlas, et vous êtes parti d'un exemple qui est celui du Japon, que vous connaissez particulièrement bien en fait, hein. Oui, Tokyo, donc cette ville qui est la capitale du Japon, qui est la tête de la mégalopole du Tokaido, qui est une bande urbanisée qui fait plus de 80 millions d'habitants. Et Tokyo, là-dedans, où ça commence, où ça finit. Est-ce qu'on peut encore parler d'une ville à ce niveau-là, 80 millions d'habitants? Eh ben non, c'est ce qu'on a appelé mégalopole dans les années 60, on a commencé à employer ce mot. Ce n'est justement plus une ville. Parce qu'une ville, c'est quelque chose qui se définissait dans l'espace. Et vers 1970, on a commencé à envisager la fin des villes. Ce qui paraissait paradoxal, puisque le monde était de plus en plus urbanisé. Mais c'est fin de la ville au sens qu'elle avait eu jusque-là, la ville. Et de sa coupure, et de sa coupure avec le reste du pays, et de ses limites, en quelque sorte. Bientôt, oui. Les limites deviennent de plus en plus évanescentes. C'est ça. Il n'y a jamais eu coupure entre une ville et son pays. Il y a toujours eu des faubourgs. Parce que la ville vit d'échanges avec le pays. Mais, spatialement et formellement, la ville était toujours très bien définie. Et elle était en particulier définie par ses murailles, par ses remparts. Ce qui fait que, historiquement, la notion de rempart et la notion de ville sont liées indissociablement, à tel point que, en chinois par exemple, c'est le même mot qui veut dire la muraille et la ville. Et encore au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie de Diderot, le mot ville est défini comme muraille. C'est une enceinte définie par des murailles. C'est incroyable aujourd'hui. Et on voit, lorsqu'on fait un peu d'archéologie, l'ourps, hein, ce qui est l'élément urbain dans un secteur de fouille quel qu'il soit, est toujours défini par la muraille. Hein. Ça, c'est vrai que c'est fondamental en vérité. Est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre du mur? Et puis alors, il y a des murs successifs. On a l'exemple, nous, très connu de Paris, bien entendu, avec cette croissance progressive par remplissage de murailles qui vise à chaque fois assez large. Et puis peu à peu, on remplit le mur. Et on va construire des murs de plus en plus larges jusqu'à ce que tout ça se fige à la fin du 19e siècle. La forme actuelle de Paris, c'est la même qu'il y a 100 ans. Elle n'a pas du tout bougé. Alors maintenant, on a la banlieue autour, bien entendu, hein, qui s'étend de plus en plus. Banlieue, c'est un mot assez ancien quand même. Parce qu'il y a toujours eu des faubourgs, c'est-à-dire ce qui était foris, c'est-à-dire en dehors. Mais ce n'était pas très étendu. Et comme vous le dites, c'est le rempart avec ses portes qui définissait la ville et qu'on a agrandi au fur et à mesure. Mais au XIXe siècle, comme du point de vue militaire, ça ne servait plus à grand-chose, on les a de plus en plus supprimés et remplacés par des boulevards. Oui. Ce qui, dans le cas de Paris, aujourd'hui, c'est le boulevard périphérique. Oui, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, on parlait de ces mégalopoles extravagantes. Il y a maintenant de nouveaux types de villes qui installent, je pense, à Dubaï, par exemple, qui installent l'aéroport au cœur même de la cité, avec donc, on pourrait presque dire, les ports, les aéroports, les systèmes de communication, les autoroutes, etc., qui sont devenus presque plus importants que les anciens centres et ce qui autrefois faisait le cœur de la ville, c'est-à-dire sa place, son agora. C'est un signe des temps, ça, Jean-Pierre Denis. C'est là que l'on revient au flux que l'on évoquait tout à l'heure. d'une certaine façon, les villes qu'on a évoquées en passant, Amsterdam ou Venise, sont des villes qui se projetaient à l'extérieur. Là, c'est le monde entier qui arrive à l'intérieur de ces villes qui sont, il faut bien le dire, en même temps, des villes, on parle de villes vitrines quand on veut être aimable, des villes artificielles qui sont d'abord des projets politiques destinés. Mais alors, ce qui est assez intéressant aujourd'hui dans la conception de ces villes-là, c'est que la ville doit attirer la planète, et pour attirer la planète, il faut faire des paris architecturaux urbains, des tours en hauteur, alors qu'on n'en a absolument pas besoin dans cette région du monde. Pour des raisons de spectaculaire, en quelque sorte. Pour des raisons de spectaculaire. Et alors que, ces villes-là, d'ailleurs, qui sont des villes sans murailles, sont des villes qui, à bien des égards, ont des murailles invisibles, hein, des murailles de ségrégation sociale. Les villes du Golfe, en particulier, les travailleurs immigrés qui les construisent sont les invisibles, alors même qu'ils sont parfois les habitants les plus nombreux de ces villes. Alors, on distingue bien dans l'Atlas les villes qui sont des créations ex nihilo, qui sont en quelque sorte des utopies urbaines. On pense évidemment à Saint-Pétersbourg, qui est l'exemple le plus célèbre, mais on pourrait dire Washington, enfin, il y en a comme ça un certain nombre. Les villes qui sont des exportations de modèles, c'est toutes les villes coloniales qui vont jouer un rôle très important au XIXe siècle, notamment. Et puis, des villes qui, elles, sont au contraire le fruit d'une très longue accrétion et d'un développement intime, en quelque sorte. On voit bien la différence qui s'établit entre ces différents types, en quelque sorte, c'est Augustin Berg. Très grosso modo, en fait, vous avez deux types de villes. Il y a celles qui, justement, sont issues d'un modèle, et puis celles qui sont issues d'une croissance à partir d'un village. Et le modèle, c'est très curieux, mais c'est très souvent un modèle orthogonal, un modèle de ville carrée, et qui dépasse les civilisations. Par exemple, si vous voyez dans l'Apocalypse de Saint Jean, la Jérusalem céleste qui descend du ciel, elle est décrite comme une ville carrée, avec trois portes de chaque côté. Eh bien, c'est exactement le même modèle idéal qui est celui de la capitale impériale en Chine, à l'époque des royaumes combattants, quelques siècles auparavant. Et ce modèle carré, où est-il apparu pour la première fois? Il se pourrait bien que ce soit en Égypte, avec la ville de Akhetaton. Qui était la cité idéale de la révolution amarnienne, hein, du temps d'Akhenaton. Hein. Exactement. Et lointainement de ce modèle est issu alors le modèle proprement urbanistique de Hippodamos de Milet, qui a inspiré tous les urbanismes méditerranéens par la suite. Donc certaines villes géométriques en quelque sorte, et puis d'autres qui croissent comme un organisme naturel en fonction des circonstances, en fonction aussi du relief, des points d'eau, etc. Parce que tous ces éléments, les déterminants du paysage sont essentiels dans l'urbanisme évidemment. La ville ne se développe pas n'importe comment, elle obéit à un certain nombre de contraintes aussi bien entendu. C'est ça. De ce point de vue, il y a une parenté entre Rome et Tokyo, qui sont toutes les deux nées par accrétion successive, bien que dans le cas de Tokyo, ça ne soit pas une ville si à l'histoire si longue, puisqu'elle est apparue au début du XVIIe siècle en tant que ville proprement dite. Mais quant à Rome, c'est vraiment le type de la ville qui s'est faite petit à petit et qui est justement pas réduite à ce quadrilatère idéal qui ailleurs, par exemple en Chine pour les capitales chinoises, a été véritablement appliqué. Bien que, pour les origines de Rome, on parle de la Rome carré, la Roma quadrata. Mais en fait, on n'a jamais su exactement ce que à c'était. À quoi ça correspond, oui. Ça se pourrait que ça soit la ville quadripartie et non pas quadrangulaire. Et non pas quadrangulaire, voilà. Quadripartie, comme l'est le signe qui représente la ville dans les hiéroglyphes, c'est-à-dire un cercle avec une croix inscrite dedans. Le cardo et le décumanus pour ce qui est des Romains. Exact. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, pour aller jusqu'au bout de la logique que vous dessiniez tout à l'heure, une planète qui serait entièrement urbanisée et où l'on ne ferait plus la différence entre ville et campagne? Alors, ce qui se passe sur la Terre en ce moment, c'est un phénomène qu'on a qualifié divers termes, mais celui de urbain diffus tend à prédominer. Qu'est-ce que c'est que l'urbain diffus? Ça ne veut pas dire que la ville couvre toute la planète. Non, ça veut dire que la société actuelle des pays riches, qui est quasi totalement urbaine fonctionnellement, c'est-à-dire quasiment plus d'agriculteurs, oui. Qui a idéalisé un habitat qui n'est pas urbain, justement. C'est ça qui est très curieux. Idéaliser un habitat campagnard, rusticisant, et qui donc peut habiter au fin fond de la campagne, mais ce sont des urbains. Des urbains dans une campagne qui elle-même n'est plus tout à fait une campagne. On voit que les frontières, en quelque sorte, se diluent peu à peu. Merci infiniment, Augustin Berck. Merci, Jean-Pierre Denis. Je rappelle donc que ce numéro spécial, hors série du Monde et de la Vie, l'Atlas des villes, 5000 ans d'histoire avec 200 cartes, est présent actuellement dans les kiosques. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Michel, qui nous a écrit sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr, et qui souhaiterait savoir qui a inventé les notes de musique. Et oui, alors je ne vais pas vous parler de toute la musique. Là, on est remonté très loin avec l'histoire des villes. On pourrait en faire autant, évidemment, pour ce qui est de l'histoire de la musique. Mais pour ce qui concerne la musique occidentale, les noms des notes ne vont apparaître qu'au Moyen-Âge. Auparavant, vous savez que, en fait, on transmettait de façon orale et non écrite l'apprentissage des différents... des hymnes notamment. Un jeune moine pouvait mettre 10 ans, 15 ans pour apprendre l'ensemble du répertoire de son ordre ou de son abbaye, qui d'ailleurs était considéré comme un patrimoine à part entière. Alors, l'idée de la portée de ces lignes sur lesquelles on va placer les notes remonte au Xe siècle, grâce à un moine des Flandres qui s'appelle Ubald, qui pour faciliter la lecture de la musique va avoir l'idée de cette portée, mais enfin, on ne sait pas exactement comment tout ça a été défini à l'époque. Il y a une sorte d'archéologie de la musique qui n'est pas toujours très très nette. Les notes étaient désignées par des lettres de l'alphabet, d'où d'ailleurs l'idée de faire ces gammes. Hein, ça vient de la lettre grecque gamma, par exemple, alpha, beta, gamma, etc. On voit ça encore d'ailleurs chez les anglo-saxons actuellement. Le la c'est A, le si c'est B, le do c'est C, etc. Vous savez, bon. C'est au moine Guido d'Arezzo. On est donc là au tournant du XIe siècle que nous devons les noms des notes que nous connaissons. C'est exactement en 1028 que Guido d'Arezzo va reprendre les premières syllabes d'un poème latin de Paul Diacre, qui est l'hymne à Saint-Jean-Baptiste, qui dit « Pour que puissent résonner les cordes détendues de nos lèvres, les merveilles de tes actions, enlève le péché de ton impur serviteur, ô Saint-Jean ». Ça donne « Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve polluti », etc. Et c'est comme ça que sont venus les noms des notes, avec le « Ut » initial qui a été remplacé en 1673 par Giovanni Maria Bononcini, qui a remplacé le ut par un do, le do de dominer, tout simplement. Et puis on avait ajouté aussi la note si. Si, ça venait de Sancte Ioannes, qui était le dernier vers de ce poème. Voilà l'origine. 15, 16, 17e, c'est devenu tout à fait, ça s'est répandu et c'est devenu, c'est entré dans l'usage, l'origine des noms des différentes notes. Bonjour Elena, on vous retrouve dans un instant pour nous parler... des drogues et des adolescents. Voilà, ça sera court, mais parce que je suis en retard. Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.